ma perruque. J'avais demandé Carole au standard. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ben, c'est quoi là, ce cirque, nom de Dieu? Je suis en train de m'asseoir sur des plantes. Bon, alors, c'est quoi ça? Non, c'est plus ça, c'est plus ça. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Punaise, c'est... Bon, on va accueillir Gizmo. Allô, allô. Bonsoir. Salut, Gizmo. Bonsoir. Gilbert, bonsoir. Salut, Gérard. Salut Michel. Bonsoir. Salut Guillemot. Salut Michel. Non, oh, on se calme. Bonsoir Gérard. Ça y est, c'est terminé, on se calme. Angèle, bonsoir. Bonsoir. Fantomette. Ouais. Bon, et les trois lascars, là, vous me laissez finir les présentations, après on verra. Bon, on l'a déjà. Là. Eh, oh, au standard, là, s'il te plaît. Tu te calmes, Manu d'avant. Oui, j'ai entendu. Fantomette, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Et moi, je suis boycotté en antenne, c'est la folie, Gérard. Gérard, c'est beau avec ta perruque, hein. Qui c'est qui dit ça? Fantomette. Ah bon, c'est comme Fantomette. Bon, que pensez-vous des... Plus tard. Non, bah ouais. Tout de suite, on sait pas ce que c'est. Je vais dire ouais. Bon, moi je te vois, je voudrais en voir un là. Ben, j'en ai pas sur moi, tu vois. Est-ce que t'as un slip jaune? Moi j'ai un caleçon rouge, j'ai pas d'un Putain, tu l'as fait des couleurs répandues, il y a un enfant. Si, genre. Mais quelle couleur tout le monde s'en branle. Gizmo! Moi j'ai un caleçon rouge. C'est ça, Raoul, le dégueulasse. Gizmo, je suis là. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Je vais dire un truc sérieux, donc 14 ans, je vais me consulter. Alors Gérard, ton slip, il est jaune devant et marron derrière. Voilà, tout à fait, t'as tout un peu ton compris. Bon, Gilbert. D'où vient le slip? Oui, Gérard, c'est Gilbert. Donc, je dois dire quelque chose de sérieux. Donc, les slips jaunes, c'est vrai que c'est quand même intéressant. C'est joli, c'est pratique, et ça peut rapporter gros. Oh, d'accord. C'est pas mal, ça. Ok, c'est bien. Michel. Oui, bonsoir Gérard. Ben ça y est, bonsoir, tu as pas... Non, mais je considère que le fait d'avoir un slip n'est pas aussi indépendant que la fête. Ça m'attire les couilles. Non, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Tout à l'heure, écoute. Je vais te dire ouais. Gérard, on t'attend pas, hein, tu vas te réveiller. Angèle. Bon, là, la... Angèle. Je suis là. Bah tiens, un pont, s'il te plaît. Bon, oh, bah écoute, moi, les slips jaunes, écoute... Mais tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Comme mon nom, tu vois, l'indique. Oui, je sais. Voilà, tu les calmes, je sais. Tu as bien fait. Allez, le soleil, au son là. J'arrive, se calmer. Reprends un peu le débat. Angèle? Ouais. Donc, tu peux répondre à la première question. Comme mon nom l'indique, je suis un parfum. Mm-hmm. Et donc, j'utilise les slips jaunes pour fabriquer ce parfum. C'est la substance principale de mon parfum. D'accord. Oh, Olivier, c'est quoi ce cirque? Quoi? De quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas toi que je m'adresse, Angèle. J'ai deux noms, là. T'as deux noms? Ouais, t'arrêtes. Arrête avec ta caméra. Arrête. Là, tu me refais pas ce que tu viens de me faire, d'accord? Si t'as fait... Tu t'amuses pas à me mettre la main au genou, quoi? Oh! Ok? Oh, dis donc, je vais te dire direct, moi, je vais te dire. Tout de suite, moi, je vais te dire. Non, mais ce qu'il lui met la main au genou, tu vas Max, tu rétablis un peu tout le bordel, là, s'il te plaît. On a un caméraman qui, apparemment, au mot, je savais pas, il lui met des mains aux cuisses. Donc, il faut lui foutre des claques, celui-là. On aurait dû faire un débat sur les cheveux, quand même. C'est pas possible, comme ça. Il faut que tu te demandes, là. C'est pas possible de travailler comme ça. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, tu reprends un peu le débat. Il faut, faut me prévenir au standard quand j'ai le droit de dire des choses marrantes. Fantomètre. Oui, j'ai quoi faire. F comme grosse tapette. Fantomètre, tu réponds. Merci, c'est très délicat là. Ok, super. Fantomètre, tu réponds à la première question, s'il te plaît. Oui, alors moi, qu'est-ce que je pense sur les slips jaunes? Je trouve ça très érotique. Alors, je trouve ça vraiment très sympa. Mon mec, il en met tout le temps, d'ailleurs. Ok. Il est que ça. Stéphanie. Moi, je voudrais savoir si tu lèches les slips jaunes. Bon, Stéphanie, tu l'as... au standard, là, tu te savais que tu lèches Stéphanie. Manu le gamin. C'est pas possible. Tu travailles, tu me vires Stéphanie. Tu me prends quelqu'un d'autre. Manu le gamin, tu en personne. Et tu me prends, si oui. possible, tu me mets une femme à la place d'un trablot. Mais j'ai pris. Oui, c'est Gérard. Eh oh. T'as quoi hier, ouais. Fais-moi coucou, Gérard, je te vois à la télé, là. Germain, est-ce que je peux dire des choses rigolotes? Non, la deuxième question. L'autorisation de dire des conneries, s'il vous plaît. Ouais, je voudrais qu'on me prenne hors antenne pour que je raconte. Ouais, moi aussi, je vais raconter des conneries, là. Fais-moi un gros coucou, Gérard, je te vois à la télé. Merci. Les studios sont-ils plus agréables à porter? Mais c'est quoi, c'est clair. Je peux rien, moi j'ai le bol en main. C'est parti, Guido, c'est parti. J'entends rien. C'est bon, c'est parti. Angèle. Je vais te dire, voilà. Voilà, voilà, tout à l'heure, j'ai plus pouvoir travailler. Gérard. J'espère que vous me voyez toujours dans Supreme TV. Merci, Marie. Qu'est-ce que c'est beau dans la bouche, Gérard? Tu pourrais raconter un peu ce qui se passe, hein? Non, mais attendez, parce que là, pour l'instant, j'ai des plantes, je sais pas. C'est Gérard, c'est la jungle. Bon, et tu te tais, toi, s'il te plaît. Gérard, c'est Gilbert. Pour l'instant, je pose la question, et vous répondrez quand je vous appellerai. Attends. Comment? Gérard, il a dit, pauvre con. J'ai dit Gérard. Connard. Ouais. Non, Manu, là. Oui, ouais, tu me prends le tableau là, tu me le vires. Ouais. Là, tu me mets quelqu'un d'autre à la place. Et tu me prends les trois mecs qui scannent, qui restent aux polices. Je vais te dire, ouais. On a l'autorisation. Ouais. On a l'autorisation de déconner comme à l'école. Bon, allez, on va revenir dans le débat, Gérard, s'il te plaît, parce que c'est le mieux. Bon, alors reste. Bon, si ça te plaît pas, tu retournes au sondage et je prends quelqu'un d'autre à ta place, ok? Je vais te dire, ouais. Coucou, Gérard. Ouais, voilà, tu vas même pas le reconnaître. Donc, les cibles sont-ils plus agréables à faire, Gérard, dans le débat ou pas, là? Je vais te dire, ouais. Les cibles zones sont-ils plus agréables à porter? Bah, Gérard. Oui, oui. Gérard. Gérard. Angèle. Gilbert. Bonne nuit. T'as plus de joker, t'es obligé de répondre. Non, attends, si t'es pas content, Gizmo ou Michel, c'est pareil pour vous. Eh Gérard, tu utilises quelle main, la main droite ou gauche? Qui c'est qui pose la question? Les canines. Gérard, ils se branlent avec les canines. Pour l'instant, c'est pas le thème de la question, vous rentrez dans le vide du sujet. Gérard, c'est super agréable, hein, des sujets. Gérard. Ton micro, oui. Roger. Gérard. À la place de Gilbert, c'est Roger. Et à la place de Stéphanie, qu'est-ce qu'on a? Salut Gérard, c'est Roger. Salut Roger. Salut Gérard. Elle voudrait bien répondre. Vous la fermez pendant que je parle à Gérard, s'il vous plaît. Bon Roger, tu te réveilles, tu réponds à la question. Roger, c'est pas mal. Je voudrais savoir si les sujets pour toi ne laissent pas des traces de pneus quand tu pars aux toilettes. D'accord. On a Janine à la place de Stéphanie. Bonjour Janine. Bonjour Gérard. Salut Gérard. Encore un trablot. C'est pas le trablot. Mais non, Gérard. C'est moi, Janine. Écoute, Gérard, écoute, oui, je vais répondre à la question. Bon, on répond à ta question. Ouais, Angèle, elle est là. Elle veut répondre. Angèle. Oui. Lâche-toi. Comment, t'allais dire quoi? Tony, t'allais dire. Mais je suis pas là. Non, comme par hasard, t'es pas là, tu dégages. Ok, je le reprends, Gérard, Bon, tu me prends. Je vais dire, ouais. Bon. Gérard, c'est jamais. Max. Gérard, c'est Roger. Gérard, c'est Roger. Tu remets ton casque. Gérard, se retente rien. Remets ton casque. Remets ton casque, Gérard. Tout le monde te le demande. Oh, mais c'est pas sur la musique. Allez. Il y en a un qui prend sur la musique, il arrête. Dis-moi ton casque. Sonneur, tu travailles un peu là. Ça y est, parce que la musique, parce que la musique. Écoute, Gérard, je préfère répondre. Gérard, je voudrais répondre à la question. C'est Roger. On a Yato à la place de Gizmo. Salut Yato. Bonsoir. Angèle, tu réponds à la première question, s'il te plaît. Bah oui, bah écoute. Et en deuxième. Bon alors. Vous restez poli parce que tout à l'heure ça va mal se terminer. Ouais, bon, allez hop. Tu m'as tous les mêmes en antenne. C'est bon. C'est ça. Gérard, c'est Roger. Gérard, je vais répondre à la question, c'est Janine. Gérard, Roger, laisse. Attends, s'il vous plaît, merde. Laisse répondre les filles un petit peu. Répète tes questions. Non, je répéterai pas la question. Bon, oui, alors oui, j'ai fait Angèle, est-ce que tu me réponds? Oui, Angèle, je suis là. Tu sais à qui tu parles? Non. À Gérard de Suresnes. Non. Tu me fais Roger et Gâteau. Tu me vires tout ça et les chaînes, là. Je vais voir tout ça. Oh, Gérard, je vais répondre à ta question. Gérard, t'es de mauvaise foi, on n'a rien dit. Non, je vais répondre à la question. Moi, attends, c'est bon, Gérard, je suis là, c'est Max. Au lieu de les filles de dire toutes les deux secondes, je vais répondre à la question, réponds-y, idiote. Ouais, c'est vrai. Hey, Max, c'est ton vrai nom? Non, il s'appelle Bidule Chouette, en fait. Ah, bon. Non, c'est pas vous qui connaissez, c'est pas à vous de parler, c'est à moi, d'accord? Bah alors, on prend ton micro et ouvre-la ta gueule un peu. Là, si t'es pas content, tu vas te faire enculer, toi, quand même. Gérard, je vais pas me faire traiter de tous les noms comme ça. Mais non, c'est bon. Tous les noms. Ils sont partis reprendre le débat. Non, il y en a encore un qui fait qui met de la musique. Non, il y en a pas, Gérard. Si, il y a de la musique, je suis désolé. Alors, Angèle. Ouais. Donc tu veux répondre à la deuxième. Alors, je te repose la question. Les slip zones sont-ils plus agréables à porter? C'est clair que c'est plus agréable. Quand ça vient macérer, c'est super agréable. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Enfin, d'accord. Je sais pas, quand t'en penses quoi? Ben, moi, personnellement, j'en mets pas. Hein. Je mets pas de slip jaune, je mets des slips normales, c'est tout. Ah j'ai pas de couleur préférée. Mm-hmm. Pantomètre? Oui, ben écoute, en jaune, c'est quand même plus transparent que les autres, et en soi, ça peut être pas mal, quand même. Hein. Mm-hmm. Non, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, à la rigueur, pour une femme, peut-être, mais pas pour un homme. Janine, oui. Attends, Janine, oui, pour te mettre. Oui, je disais que s'il y avait des petits grès noirs, c'est des léopards, ça peut être pas mal sur un mec, hein. Mmh. Non, je sais pas. Mais noir, pourquoi, c'est... pourquoi léopard? Bah, ça c'est excitant, je trouve, pour un mec. Jaune, c'est un peu fat quand même. Mmh. D'accord. Janine, d'accord. Alors moi, j'aime bien les soutifs. Janine, d'accord. Les slips jaunes, ça fait un très joli ensemble. Qui c'est qui fait le... Janine. Ça fait ouais. Des formes de la pétasse. Voilà, exactement. Jaune devant, marron derrière, Janine. Ouais. D'accord. De préférence. Donc, troisième question. Préférez-vous les slips jaunes ou les caleçons? Bah, je peux les répondre. Caleçons. C'était à Yato. Me demande pas d'où ça vient, de quelle origine, c'est le standardiste qu'a choisi. Donc, alors, moi, je préfère les caleçons, personnellement. Ouais, moi aussi. Parce que j'aime bien être à l'aise. Ouais. Par exemple, là, je t'écoute, là, je suis à poil. Mais allô ? Je suis cul nu, et je t'écoute, et ça commence à monter, là. T'es cul nu, c'est ta blouse ? Oui. J'ai pas le rapport avec ce son, là. Gérard, rapport, c'est sexuel. Je vais te montrer. Gérard ? Gérard, c'est Roger. Roger. Tu pourrais répéter la question. Non, je répète pas alors, la question. Alors, moi, je préfère les slips, parce que c'est plus excitant, et Gérard, si tu porterais un slip, ça m'exciterait. D'accord. Gérard, c'est Roger, je répéterai pas la question 50 fois. Michel, c'est question si t'es sourd, tu vas au je voudrais juste répondre à la question. Alors tu réponds. Oui, je trouve que les slips, enfin les sacs à couilles, ça maintient les couilles, quoi. Comment? Ça maintient mieux les couilles, les slips. Eh, Arnette, comment mais tu fais pour... excitant, hein. Comment tu fais, Arnette, pour prendre des voix comme ça? J'y arrive pas. Ah ouais, je sais pas, là. Non, tu me prends, Roger, tu me le vires. Et toi, Gérard, tu mets des slips ou des caleçons? Des slips. Moi, je mets des slips. Tu mets des houldis Non, rien. Tu mets des houldis et tu mets des strings aussi Non. Léopard. Donc, Angèle, pour toi. Non, moi je préfère les caleçons ou le bite, tu vois. Ouais, mais que ton copain... De quoi? Que ton copain porte. Eh ben, je préfère les caleçons. Ouais, mais le cul, ça moule bien les couilles et... Non. Ouais, mais bon, c'est plus excitant, c'est affreux. Là, je voudrais changer de nom, là. Non, non, c'est bon, Roger, tu dégages, ouais, c'est connu. Ça me plaît bien. Non, si vous voulez continuer. Non, mais pour l'instant, Roger, tu te tais. Je te sodomise. Roger, tu me le dégages, là. Là, faut le dégager. Donc, ça si vous voulez continuer de participer à ce débat, vous faites le 0870-5000 et 0803-08-5000 et pour les Belges, 0331-47-99-5000. Et toujours 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. 3615 Code Fun TV, rubrique directe. Et on met. Et on met. Je sais pas, il faut voir. Attends un peu, je vais donner le titre, bouge pas. Et comble. Donc on va demander à Fantomette si elle veut bien répondre sur la question. Vas-y, Fantomette. Oui, oui, moi effectivement, je préfère les caleçons parce que quand on touche un petit peu, ça peut dépasser, c'est pas mal quand même. Hein. D'accord. C'est de pire en pire tes débats. Mais si t'es pas content, il faut que tu t'envoies des thèmes de débat. T'as raison. Je me rappelle même plus comment je m'appelle. Ayatollah ou... Ouais, non, mais Ayatollah, si t'es pas content, tu vas retourner au standard de manière à la pause musicale. Je veux plus entendre de mecs, je veux un peu de nana qui bouge un peu par... Là, j'ai trois nanas, à mon avis, j'espère que j'ai... Y a pas de problème, t'aurais une nana, s'il te plaît, en bougeant. Ouais, mais je sais, j'ai dit qu'il y a que les nanas qui arrivent à répondre aux questions sérieusement. Tu payes les croissants après, c'est tard. Gérard, t'aimes pas les caleçons? Je vous répondrai juste après. Donc les copains de la campagne, vive. Vive l'urine. Et voilà. Et ouais, vous venez d'entendre Happy Bird for You. Donc c'était non. C'était les copains de la campagne, vive l'urine. Donc on va reprendre les débats. Si on pouvait me donner les gens à l'antenne, s'il vous plaît. Oui, Gérard, ça arrive. Il y a Fantomette. Alors, il y a Judo Boy. Janine. Ouais, mais marque-moi les sur un papier parce que je les ai pas. Oh, Fantomette, celle qui rate et qui pète quand on l'embête. Ouais, bah alors, attendez, parce que là, j'entendais... Donc, j'ai Fantomette. Janine. Ouais. Donc, Janine. Aranda. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai les noms. J'ai Judo... Judo Boy. Gérard. Ouais, ben, tu diras Luigi, ça ira plus vite. Hein. Non, c'est pas Luigi, c'est Tony, mais tu étais presque. Ouais, ben, c'est bon, si c'est pour avoir les mêmes, c'est pas la peine, hein, ok? Yoda! Oh, c'est quoi, là, c'est Cirque, là, qui est dans un camion? Il est pas dans un camion, Gérard. Bon, là, tu... Allez, hop, c'est bon, celui-là, tu le retires. Arthur, bonsoir. Salut. Cristal. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir, Cristal. Ça va? Ça va. Janine? J'ai pas regardé ce matin. Voilà, donc Janine, c'est bon. Fantomette, c'est bon. Ouais. Salut, Fantomette. Salut, Gérard. Bon, c'est bon, je viens de te dire. Cristal, quel joli prénom. C'est quoi, là, ce cirque? Un paquet. C'est ton cirque, Bozo. Oh là, mais... Oh, ça va, ça sec, Gérard. Ben, je sens que tout à l'heure, c'est Max qui a fait le standard et ça va gerber sec. Ça va gerber sec. Ah, Gérard. Oh, vous arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ta question, Gérard. Donc... Ta question... Ouais, Gérard, raconte-nous ton débat. Les slips jaunes sont-ils plus sexy? Ouais. Et quoi? Les slips jaunes sont-ils plus sexy? Alors, je vais m'adresser à Fantomette. Écoute, on t'a répondu tout à l'heure. Non, vous avez pas répondu. C'est quoi cette fixation sur les slips jaunes? Vas-y, va voir un psychologue, là, pourquoi tu nous prends la tête? Il est 4 du matin. Là, tu dégages. Sérieux? Oui, Gérard, oui. C'est n'importe quoi. Gérard, on va... Gérard, tu pues la merde. Tu me dégages, il est parti. Tu réponds. Gérard, c'est gros. Voilà. Donc, Fantomette. Oui. Donc, les slips jaunes sont les plus sexy pour toi? Oh, bah. Sincèrement, pour moi, c'est le plus sexy, mais bon... Attends, Fantomette, 5 minutes, je vais demander à Manu, au standard, qu'il est calme, celui qui met de la musique. Ok. Tant qu'il y aura de la musique, je ne continuerai pas le débat. Ça y est, Gérard. Voilà. Donc, Fantomette, tu voulais dire donc... Que les slips jaunes, effectivement, c'est sexy, mais je préfère quand il est tout nu, quoi. D'accord. Oui. Ok. Janine, pour toi? Alors moi, j'aime bien les slips jaunes parce que c'est vachement sexy. Mm-hmm. Parce que j'adore quand les deux bouts, tu vois, elles sortent de côté. Mm-hmm. Vachement excitant. Et le cul, tu vois, il y a l'arrêt du milieu. Oh, et la ficelle. D'accord. Ouais, ah, Gérard, est-ce que toi, tu aimes ça? Personnellement, non, tu vois. Ah bon? Tu peux pas quand il y a rien. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe en train de me... Mais... Punaise, mais c'est quoi là? Merde! J'arrête! Donc, de manière, faut que ça soit bien porté par une nana. Moi, je préfère que ça soit mieux porté par une nana que par un mec. Ah, que... Arrête! Ça fait pas plaisir, Gérard. Non, mais je préfère que ça soit une nana qui mette des trucs sexy qu'un homme. Hein. Mais pourquoi ça t'en met pas, toi? Non, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Comme j'ai tout. Quand j'aurai pas trouvé ma chaussure à mon pied, donc. Ta chaussure, ton slip. Ouais, oui, mais même. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un striptease en slip jaune pour moi. Pourquoi? Gérard, tu préfères une femme qui porte un slip jaune? Ou un slip vert? Non, c'est plus dans le débat, là. Non, on est à côté de la plaque. Et si Olivier pouvait me retirer le deux bruits, ça serait super. C'est pas grave, continuons le débat. Bon, Gérard, oui, on accueille Michael à la place de Yoda. Salut, Michael. Ah oui, c'est Michael Jackson. Hello, Michael. T'es trop un imitateur né, toi. Bon, on continue. Sorry, Gérard. On continue. Les petits jaunes se lavent-ils à 90 degrés? Non, ils se lavent à 90 degrés. La connerie, ils se lavent à 90 degrés. Attendez, attendez. Je vois vraiment que les Français sont cons. Eh ben, c'est bien, Michael, tu dégages, c'est les cons. Moi, je pense que le slip jaune se lave à l'envers à 360 degrés. C'est toi qui viens de dire ça? Janine. Gérard, t'es déjà rentré dans une machine à laver? Non. Gérard, te fous à 20 degrés à température ambiante. Hey, Gérard. Gérard, c'est Michael. Gérard, tu sais. Michael, que l'on dirait que c'est CNN International. Gérard, non, Michael. Pas, donc personne n'a compris. On dit plus con que CNN, mais con comme Gérard. D'accord, alors Michael. Michael, tu vas rester poli, tu retournes au standard, ça t'apprendra de ta sympa politesse. Gérard, tu sais. Michael, bonsoir. Non, mais c'est vrai, c'est traduit de la... Non, mais c'est de la... Michael, anglais, bonsoir. Et au Pakistan, t'es le symbole de la puissance. Tu sais, tu viens de dire ça. Allô, Gérard? C'est... Attends, je m'appelle comment? Je suis Dobré. Gérard. Gérard. Je ne veux pas le savoir, ils arrêtent de dire des conneries quand je pose la question, personne répond, ils répondent tous à côté de la place où ils disent des conneries. C'est pas vrai, on répond, nous, hein. Gérard, est-ce que tu te laves? Oui, pourquoi? Avec une machine à laver ou pas? Non, je me lave sous la douche. Gérard. C'est qui? Alors, Christine. Merci pour celle qui vient de dire, Christine, tout à l'heure, tu vas retourner au standard malgré que je ne vois pas virer les nanas. J'aimerais bien comprendre la question de Gérard. Hey, Gérard, tu réponds à la question, s'il te plaît? Gérard. Oh, tu me balances Gérard, des jeans. Repose la question. Hey, c'est pas moi. Oh là là là là là là là là. Sinon, c'est des gens. Oh, je ne pas. Oh, Gérard. Tiens, toi. Gérard. Stop. Gérard, pose ta question. Alors, les slip jaunes, les stars portent-elles des slip jaunes? Les qui, les stars? Les stars, oui. Ouais, je pense que toi, Gérard, tu dois porter un slip puisque tu es une star. Non, mais attends, mais moi, j'en porte pas des jaunes, donc j'en porte des bleus ou des blancs. Ouais, mais t'es une star, Gérard, tu dois en porter. Gérard, toi qui es une grande star, pourquoi tu ne portes pas de slip jaune? Qui c'est? C'est Christophe. Allô, Gérard? C'est Christophe à l'appareil. Gérard! Minute! Mais réponds, Gérard! Christophe, tu veux dire quoi? Gérard. Genre les mecs, vous commencez à me les gonfler ce soir. Mais laissez parler Arthur. Arthur, tu te tais, pour l'instant, il y a Christelle qui veut me répondre. Bon, mais tu m'oublies pas. Ah, bah si je bosse, je t'oublierai. Ok. Mais moi, Christelle. Ouais, les stars, les slips jaunes, parce que ma mère, c'est une star, elle a des slips jaunes. D'accord. Voilà. Janine. Oh, Gérard, pour pas m'oublier. Janine. Oui, alors, je t'ai dit que le slip se lavait à 360 degrés avec toi à l'envers. Gérard. Mais non, t'as une star, là. Pour pas m'oublier, t'as qu'à me mettre dans ton slip jaune. Eh ben, dans ce cas-là, tu vas retourner au standard, t'iras dans ton slip jaune tout seul chez toi dans ton lit. Bonne nuit, Arthur. Et toi, Gérard, tu penses que tu devrais porter un slip jaune? Donc oui, effectivement. Non, je n'en porte pas. Merde, est-ce que t'en as déjà porté? Non. Pourquoi? Gérard, oui. On accueille Boomerang à la place de Judo Boy. Est-ce que tu aimerais faire un striptease en slip jaune? Non. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Est-ce que pourquoi tu vois pas les slip jaunes? Bon, septième question. Ouais. Salut, c'est Boomerang. Ouais, vas-y. Boomerang. Salut, Boomerang. Gérard, c'est Boomerang, j'ai une question à te poser. Ben, je t'écoute, dépêche-toi. Est-ce que c'est vrai que, comme dans le film Bernie, quand tu es né, tes parents t'ont abandonné dans un vide d'ordure? Bon, allez. Attendez. On se calme. Ta gueule. Bon, allez, hop, j'arrête. Non, Gérard, on répond. Tu restes en police, s'il te plaît, on parle pas sur ma famille, ok? Ok. On est pas en entendeur, salut. Mais tu les emmerdes, pose ta question, Gérard. Les slips jaunes sont-ils plus à la mode aujourd'hui? Bah oui, Gérard. Alors moi, je pense que les slips jaunes, vert, bleu, rouge, violet sont tous à la mode aujourd'hui. Janine. Oui, Janine. Parce que tout est en couleur cette année. Tout vous serez tout sur le zizi, le gros, le beau. Janine, s'il te plaît, tu... Ah, c'est pas moi, hein. C'est Fantomètre. Fantomètre. Eh, balance. Gérard, c'est Boomerang, je voudrais réagir sur les slips jaunes. Pour l'instant, Boomerang, je m'adresse à Fantomètre, après tu réagiras sur la question que je viens de poser. Merci. Et moi aussi, Gérard. Ouais, ben, Fantomètre, s'il te plaît. Oui, bah oui, effectivement, pour moi, les slips jaunes sont à la mode, mais c'est vrai que toutes les couleurs maintenant sont à la mode. Hein. Il suffit que ce soit un petit peu fluo, et ouais, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Cristal. Oui. Elle est mauvaise, Cristal. Il y a tellement de gens qui calent en même temps. C'est pas grave, c'est l'habitude. J'aime entendre Gérard. Cristal, je t'écoute. C'est Gérard qui gueule, c'est pas nous. Hein. Mon amour. Je t'écoute, Cristal. Oui. Bah réponds. Bah mets-toi le cul, peut-être. Alors déjà, celui qui vient de dire ce mot-là, tu vas en standard. C'est pas moi. Gérard. Oui, on a Esventura à la place d'Arthur. Salut Esventura. En Afrique. Ça va mieux. Moi, je voudrais dire un truc, je suis en ce moment sur une affaire. Plus fort, t'entends pas, connard. Gérard, je voudrais dire un truc. Quand les filles, elles disent des insultes, tu les vires pas, et nous, appelons, on dit caca, tu nous gères direct au standard. Non, parce que c'est les mecs qui ont pris les voix des nanas, Gérard. Tout à fait. Sois correct avec nous. Qui, je t'en morpion. Cristal. Oui. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Mais attends, mais j'ai pas compris ta question. Les slips jaunes sont-ils plus à la mode aujourd'hui? Mais bien évidemment qu'ils sont plus à la mode. Et alors, c'est-à-dire pourquoi pour toi? Parce que c'est vachement sexy, un mec dans un slip jaune, c'est hyper sexy. Mmh, d'accord. Bon, c'est bien, je veux dire, ouais. Bon, alors, Ventura. En Afrique. Oh, tu travailles? Ouais, je suis là, hein. Alors, tu réponds? Et je réponds quoi? Bah, tu l'as fait ton enquête. Bon, ouais. Ventura, tu me le vires, là. Bonjour, moi je suis là, Gérard. Manu au standard, tu me sauves Ventura, tu lui demandes qu'il se réveille, ou sinon on prend quelqu'un d'autre à sa place. Moi je suis là, Gérard. C'est possible, pas les mêmes. Question suivante. Michael. Michael, dehors. Je suis là, Gérard. Alors, tu te réveilles. Une seconde, laisse-moi le temps. Moi j'ai pas le temps, d'accord. D'accord, alors les slips jaunes sont à la mode, parce que c'est cool et puis c'est bien. D'accord, Boomerang. Alors moi, Boomerang, je suis amateur des slips jaunes, j'en porte tous les jours. Et ma copine me dit souvent que ça casse le personnage, mais moi à chaque fois je lui réponds que ça casse pas de caton. T'as trop regardé les bronzés. Hein. Absolument. Ouais, j'ai l'impression. Elle est une de cul, je crois. Huitième question. Moi aussi, comme t'en es deux. Et moi, les slips jaunes se voient-ils sur les joues, sous les jupes? Personnellement, j'en ai pas, donc on voit plutôt la chatte. Non mais je me suis mal exprimé. Les slips jaunes se voient-ils sous les jupes? C'est à moi que tu m'exprimes. Si tu veux parler. La jupe, hein. Si la jupe, elle est blanche. Attendez. Cristal, Janine et Fantomètre, attendez, on va laisser quand même les mecs réagir parce que sinon ils vont encore nous faire des caca nerveux. C'est à moi que tu m'exprimes. Alors Boomerang, qui travaille. Et Gérard, la loco, il a toujours un slip jaune sous sa jupe. Bon, allez, hop. Celui-là, tu me le sacs. Tu me lâches pas. On a Kleenex à la place de Michael. Kleenex. Allô. Allô. Oui. Salut, Kleenex. Oui, bonsoir, vous allez bien? Bon, tu réponds à la question, s'il te plaît, parce que... J'étais en train d'essayer de joindre le standard, donc j'ai pas trop suivi la dernière question. Sur les jupes. Les slips jaunes, ceux. Voit-il sous les jupes? Bah, en fait, moi, je me demande si, par exemple, si les filles, donc les slips jaunes, c'est par définition de urine. Quoi? C'est vachement drôle, toi. Bah oui. Bah pour moi, un slip jaune, c'est qu'il a été uriné dessus quand même. Non. Ah bon? Non, c'est la couleur. T'as caché dessus, toi, compris, à la vie, toi. Mais bien sûr que si, voyons. Gérard, t'as des slips jaunes parce que tu pisses dessus. Non, mais attends, ma copine, elle a des marrons quand tu chies dessus. Et moi, ma copine, moi, elle a des paires, des fois jaunes. Ouais, ben aussi, ouais, aussi. Donc, non, mais après, c'est pas des paires jaunes, c'est des paires rouges. Non, mais non. Il y a des paires blanches, Gérard, aussi. Et des blanches, c'est ça. Quand vous avez voir un gnagnia, les nanas, c'est rouge. Elle est japonaise. Est-ce que tu laisses, Gérard, pendant les ragnagnas? Comment? Est-ce que tu fais des cunnilingus pendant les ragnagnas? Gérard, il a des pertes vertes depuis qu'il s'est enculé par un ovni. Allez, là, celui-là, tu me le sacs. Allez, à dehors, allez. Dégage. Arrête, s'il te plaît, là. Oh. Donc, qui c'est qui m'a posé cette question-là? Gérard, oui. Est-ce que tu aimes regarder sous les jupes des filles? Tout à fait. Et sous les jupes des Écossais? Ben, pour l'instant, je connais pas l'écossaise, mais regardez sous les jupes des nanas. Les écossais. Il y a certaines nanas qui se gênent pas pour nous faire voir leurs culottes, hein. Et alors, t'aimes ça, dis-tu, bon. Ben, tout à fait, comme ben, tous les mecs, hein. Et qui c'est qui a dit que est-ce que je faisais l'amour pendant les ragnanas? Je voudrais bien savoir son nom, en fait. Bien sûr que si tu fais l'amour pendant les ragnanas. Tu peux, toi, pour l'instant, le duo toi-même. C'est bon. Qui c'est qui a posé cette question? Arthur. Non, c'est pas Arthur. Ça peut te foutre. Bon, Cristal. Oui. Cristal. Oui. Tu réponds, s'il te plaît, à la question. C'est quoi la question? Jean-Luc, s'il te plaît. Jean-Luc. On se calme, on écoute ce que dit Gérard. Parce que les questions sont hyper intéressantes, j'en apprends beaucoup ce soir. Et alors, Cristal. Sérieux. Bon, tu les calmes, Manu, là, les mecs ou quoi? Je voudrais bien que les nanas répondent à Gérard. Bon, Gérard, est-ce que tu aimes les règles? Bon, oh, allez. Toi, tu gères ton débat, ça, aux autres. Cristal. Jean-Luc. Oui, c'est Cristal, hein. Cristal, tu réponds, s'il te plaît, à la question. Ah, des fois, tu réponds. C'est une bonne question. Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît, Cristal. Ah ouais, mais là, c'est normal. Bon, écoute, c'est Pantomètre qui va répondre. Alors, Pantomètre. Voilà, bon, bah alors, si la jupe, elle est blanche, jaune ou des couleurs claires, effectivement, on va avoir le slip. Maintenant, si c'est une jupe noire, on verra rien, même si elle n'a pas, on verra pas. Et si c'est une jupe noire transparente? Ah, là, c'est délicat. Là. Donc, elle est quand même noire, mais quand même, tu vois. Ah, parce que pour dire une chose. Donc, c'est complètement illogique, la question, c'est n'importe quoi, putain, les filles, arrêtez de répondre des conneries, bordel. Franchement, mais ça ressemble à quoi? Gérard, est-ce que tu mets des jupes? Non. Pourquoi ton mec il met des jupes, toi? Bah oui, les Écossais. Bah non, mais ça c'est pas pareil. D'abord, Gérard, pourquoi t'es pas hétérosexuel d'abord comme tout le monde? Ouais, bon, de toute manière, c'est plus l'heure du jeu de la vérité. Janine, tu réponds, s'il te plaît, à la question. Alors, moi, personnellement, je voudrais répondre à cette question, effectivement. De pouvoir mettre des slips dans la machine à laver, ça, il faut croire que... Bon, vas-y, après, je pourrais déconner, putain. Gérard... C'est pas drôle, pauvre conne. Dans ce cas-là, ceux qui se misent à dire ça, ben c'est simple, on va s'arrêter. Allez, hop. On va s'arrêter, on va faire la conclusion, il est pas 4h du matin, mais tant pis pour vous. Manu, au standard, tu me prends les mecs, et tu les tiennes, ils ont pas insulté les nanas quand elles parlent. Ça y est. Ok. Gérard, merci. Gérard, je t'aime. Gérard, quand on parle de slip jaune, parce qu'on parle de la couleur, mais je voudrais savoir si toi tu aimais garder des slips qui, à force de baigner dans l'urine, étaient bien jaunes, est-ce que tu appréciais ça? Personnellement, je change de slip tous les 4-5 jours. Non, tous les 2 jours. Oh, génial! Tu portes des slips où il y a écrit les jours de la semaine, Gérard? T'es propre, Gérard. Mais je veux dire des slips tous les 2 semaines ou tous les 2 jours? Non, tous les 2 jours, je change de slip. Ah, t'es propre, Gérard. Lundi, mercredi, vendredi. Alors, vous, les filles, est-ce que vous aimez les garçons qui ont des slips avec des taches jaunes? Non, pas du tout, non. Si. Des taches marrons. Qui c'est qui vient de dire non, là? Moi, je viens de dire oui. Moi, j'ai dit non, moi, c'est dégueulasse. Ah non, c'est bon. Bon, alors, je vais demander à Pan, qui c'est qui me reste comme nana qui a pas répondu à la question. Je pense que tout le monde a répondu à la question, là, sur les filles. Ouais. Donc, on va attaquer la question suivante. Donc, sous les jupes, moi, je vais vous dire une chose que je vais quand même vous répondre, les filles. C'est que il y a certaines nanas qui gênent pas nous faire voir leurs culottes et... Faut dire une chose que... C'est un très gros plan. Ça... Oh, c'est mieux qu'on compte de vie. Bon, laissez-le terminer. Je sens que tout à l'heure... Je sens que tout à l'heure, pendant la pause musicale, je vais vous attraper tous. Ouais, et je vais vous filmer. Oh là là là là, je vais au fond. On va faire une pause musicale avant de continuer. Oui, vous allez attraper le vilain. Arrête avec ta caméra. Ah, dis-moi la question, mon collègue. Je... Alors, prêteriez-vous votre slip à quelqu'un? On n'a pas compris la question. Vous n'avez pas compris, ben, je vais vous faire comprendre au sens. Répète-la la question. Mais j'ai compris, prêteriez-vous votre slip. Prêteriez-vous votre slip à quelqu'un? Et on écoute Doug God, les slips beaux. Attaque la caméra, slip. Et voilà, donc, la suite des débats du jeudi soir. Donc, vous venez d'entendre Doug God, les slips beaux. Et donc, on va accueillir Virginie. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Carole. Bonsoir, mon amour, de retour. Ouais, ben, c'est moi qui ai demandé à ce que tu reviennes, parce que tu voulais y participer. Je t'aime, Gérard. Ouais, qui c'est qui dit ça? Carole. Carole, ben, je te dis, on verra ça tout à l'heure, d'accord? Gérard, juste une question. Oui. Est-ce que tu as déjà vu en dessous d'une jupe un slip avec des ragnagnas? Personnellement, pas encore, mais attends, qui c'est qui vient de poser cette question? C'est moi, ton amour. Carole, mais attends, de toute manière, je vais finir les présentations et on discutera de ça. On va répondre quand même la question 8 pour... Ok. Et toi, Gérard, t'as des ragnagnas ou quoi? Non, je prends pas la pilule encore. D'accord. C'est vrai, là. Roida. Non, c'est Allison, finalement. Hein? Allison. Ah, c'est Allison, c'est pas Roida, c'est Allison. Ouais, mais c'était mon nom, non, c'est mieux mon prénom. Bon, ok. Joanne. Non, Joanne. Joanne, bonsoir. Je ne l'ai pas. Juan. Bonsoir. Bonsoir. Boomerang. Non, c'est Johnny.